viendra peut-être du fond du chaos, d'un remous dans l'eau, d'un caillou jeté loin dans le passé, qui fera germer. Tout viendra peut-être d'une simple rosée, tout viendra peut-être d'une crinière au vent, d'arpenteur des champs et de liberté, d'un ciel décousu, des ensorcelés. Tout viendra peut-être d'étoiles enfin nues. Peut-être d'un meneur de fou qui n'a pas un sou, ange à tête folle, épris de l'envol de l'humanité. Tout viendra peut-être d'un grain de beauté, tout viendra peut-être et sans crier gare, d'un son de guitare, d'homme bienveillant, enfin s'éveillant au meilleur d'eux-mêmes. Tout viendra peut-être d'un peu de bohème. Tout viendra peut-être sur un coup de chance, d'un mot qui s'élance, le ciel s'entr'ouvrant, l'amour en plein champ, enfin nous délivre. Tout viendra peut-être de ce nouveau livre, tout viendra peut-être de milliers de têtes, d'un grand florilège effondra comme neige, la haine à jamais. Tout viendra peut-être, demain ou jamais.